Parce qu'il vivait comme il vivait, parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas, parce qu'il parlait comme il parlait, quand tous les autres ne parlaient pas, parce qu'il s'habillait comme il s'habillait, parce qu'il riait comme on ne rit pas, parce qu'il croyait en ce qu'il croyait, quand tous les autres n'y croyaient pas. Parce qu'il se livrait tout cru et sans loi, parce que se livrer ça ne se fait pas, parce qu'il chantait à pleine voix, quand tous les autres ne chantaient pas, parce qu'il aimait comme il aimait, que pour faire l'amour il ne se cachait pas, la vérité parce qu'il la criait, dire la vérité ça ne se dit pas, parce qu'il était comme il était, être comme les autres ne l'intéressait pas, parce qu'il voulait ce qu'il voulait, vouloir ce qu'on veut, ça ne se veut pas. Parce qu'il dansait comme il dansait, et le rythme fou lanceur cela. Parce qu'il rêvait comme il rêvait, rêver comme soi, ça ne se rêve pas. Parce qu'il pensait comme il pensait, il pensait tout, vous n'y pensez pas. Au nom de la loi, parce qu'il contestait, dans une petite cage, on l'emprisonna. Le corps prisonnier, l'esprit s'évadait. Un petit garçon qui passait par là, un tout petit garçon tout comme il était, recueillit l'esprit et l'apprivoisa. Parce qu'il vivait comme il vivait, parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas, parce qu'il parlait comme il parlait, quand tous les autres ne parlaient pas. Parce qu'il vivait comme il vivait, parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas, parce qu'il parlait comme il parlait, quand tous les autres ne parlaient pas.